Dans la tombe, pelo c'est la vida. L'épée sur la terre, le gun sur la tempe, à ton chef de village. C'est tout pour mon père, c'est tout pour ma mère, c'est tout pour la ville. Nos vies sont de peine, nos vies sont de haine. Contrôle de police, bébé, je sors plus serein. Le cœur serré, ça commence très tôt le matin. Les routes sont sombres et nombreuses, mais je navigue. Ils sont mauvais et ne veulent pas que j'y arrive. Et je suis dans ma zone, sur messagerie. Je porte des fardeaux. Qu'est-ce que ça fatigue et tout ça masse, plus que ça m'attire. Que Dieu nous pardonne, faut faire du bien. Depuis le départ, aucun de mes pas il était calculé. Tu sais ce qu'on voulait, c'était voir le monde avec toutes les couleurs. Wow, ouais, chez nous le sang il a coulé. Wow, elles s'effaceront jamais les douleurs. Depuis le départ, aucun de mes pas il était calculé. Tu sais ce qu'on voulait, c'était voir le monde avec toutes les couleurs. Wow, ouais, chez nous le sang il a coulé. Wow, elles s'effaceront jamais les douleurs. Elles s'effaceront jamais les douleurs. Pour nous à la cité, le somme soulage la colère. Mais on dort nos capacités, ton blason l'a pas cité. Parce qu'on n'aime pas trop les mythos, on n'aime pas trop les michetos. C'est pour ça que tu t'es fait quitter. Problème, problème, problème, moi je sais pas, ça s'arrête jamais. L'oseille, l'oseille, l'oseille, quand je l'aurai, je reviendrai jamais. Resserre mon verre, mon frère, avant qu'on se fasse tous condamner. Dompé, belle, bébé, l'air, grosse pensée à ceux qu'ils ont chané. Je suis dans ma zone, sur messagerie. Je porte des fardeaux, qu'est-ce que ça fatigue. Et tout ça masse, plus que ça m'attire. Que Dieu nous pardonne, faut faire du bien. Depuis le départ, aucun de mes pas il était calculé. Tu sais ce qu'on voulait, c'était voir le monde avec toutes les couleurs. Wow, ouais, chez nous le sang il a coulé. Wow, elles s'effaceront jamais les douleurs. Depuis le départ, aucun de mes pas il était calculé. Tu sais ce qu'on voulait, c'était voir le monde avec toutes les couleurs. Wow, ouais, chez nous le sang il a coulé.